إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، aujourd'hui on commence le cours numéro 30 dans l'explication du livre qui s'intitule Umdatul Ahkam, et c'est le sharh de Cheikh Abdullah Al-Bassam. Cheikh Abdullah Al-Bassam, rahimahullah. Le livre s'intitule, comme j'ai dit, Umdatul Ahkam, ça c'est la base, ça c'est le livre. Ça c'est la base du livre Umdatul Ahkam, écrit par le Cheikh Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Hein, qui est mort en l'an 600 de la Hijra. Et ça, c'est le sharh, l'explication du livre de Umdatul Ahkam, qui s'intitule Taysirul Allam. Naam. Donc, on commence, Inch'Allah, comme je disais, le cours 30. Et le livre, ou le chapitre qu'on commence maintenant, c'est un sous-chapitre, qui s'intitule, et ça, c'est un chapitre qui a été, disons, déterminé par la personne qui a écrit l'explication, c'est-à-dire le Cheikh Al-Bassam. Dans le livre original, c'est pas un chapitre avec un titre séparé, mais le Cheikh Al-Bassam, il a rajouté des titres pour que ce soit plus clair, c'est-à-dire pour que le chapitre ou le pour que les divisions ou les séparations entre chaque sujet soient plus claires. Et dans le livre, c'est écrit Babul Adhan. Dans Umdatul Ahkam, c'est écrit Bab al-Adhan. Et le cheikh, il a écrit, lui, il a mis comme titre Bab al-Adhan wal-Iqama. Babul Adhan wal-Iqama. Et dans l'ordre des chapitres dans Kitab al-Salat, c'est le chapitre numéro 8, ou c'est la partie numéro 8. Et donc le sujet du cours aujourd'hui, c'est au sujet du adhan et de l'iqama, l'appel à la prière et l'appel à commencer la salat. Donc le Cheikh Al-Bassam, il dit Al-Adhan Nuratan Al-I'lam. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام منهما. Donc le cheikh il explique que le mot adhan dans la langue arabe, ça signifie al-i'lam, l'annonce. Hein? Et donc il cite un verset dans sourate At-Tawba, le verset 3, dans lequel il y a la mention du terme adhan dans le sens linguistique. Wa adhanun min Allah wa rasulih. C'est-à-dire un appel, une annonce, une proclamation, hein, ainsi de suite. Adhanun min Allah wa rasulih. Donc une annonce de la part d'Allah et de son messager. Wa adhanun min Allah wa rasulih. Et il dit que c'est-à-dire c'est une annonce de la part d'Allah et de son messager. وهو شرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. C'est-à-dire que dans la définition religieuse du terme adhan, ça signifie l'annonce de l'entrée du temps de la prière obligatoire en prononçant des mots ou des termes spécifiques. Hein? C'est une annonce pour faire savoir aux gens que le temps de la salat obligatoire vient d'entrer. Il dit وَهُوَ عَلَى اَخْتِصَارِهِ مُشْتَمَلٌ أو مُشْتَمِلٌ عَلَى مَسَائِلَ الْعَقِيدَةِ لِأَنَّ التَّكْبِيرِ يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجلال والعظمة له والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتنفيان الشرك والدعاء إلى الفلاح يشير إلى المعاد والجزاء. Il dit le cheikh que le adhan qu'on fait pour appeler à la prière et pour faire savoir aux gens, hein, faire connaître aux gens le début de l'entrée du temps de la prière obligatoire, le cheikh dit que c'est quelque chose qui est court et résumé, mais qui comporte et qui contient des questions et des sujets qui sont reliés à la croyance islamique, à l'aqida, parce que at-takbir, quand tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça c'est at-takbir. Le fait de dire Allahu Akbar, ça comprend, hein, l'affirmation de l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait d'affirmer les attributs de majesté et de grandeur pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et ça comprend également l'affirmation du témoignage de l'unicité d'Allah, hein, le pur tawhid, le pur monothéisme, et le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a dans ça donc l'affirmation du tawhid, l'affirmation de la prophétie et du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la négation du shirk, c'est-à-dire le rejet de tout ce qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, hein, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ad-du'a ou il al-falahi, il dit le fait d'appeler au succès, hayya ala salat, hayya ala al-falah. Al-falah, ça veut dire le succès, et ça indique la résurrection et la rétribution. La résurrection au jour de la résurrection, c'est-à-dire après la mort, et al-jaza, c'est-à-dire la récompense, la rétribution. Soit la récompense si tu as fait le bien et si tu as été sur la foi, et la punition ou le châtiment si tu as été dans le péché ou bien dans le kufr. Hein, l'enfer pour l'éternité, si tu as été dans les péchés par contre, hein, c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que pour les gens du tawhid, bien entendu, même s'ils sont punis en entrant dans l'enfer, ils ne seront pas éternellement en enfer, parce que les gens qui sont morts sur l'islam, qui étaient dans le tawhid pur et qui n'ont rien associé avec Allah, ils ne resteront pas éternellement dans l'enfer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué et comme c'est mentionné dans le Coran. Et ça c'est la aqida d'Ahl sunnah wal jama'a au sujet des gens qui ont commis des grands péchés. Le cheikh il dit ensuite wa zakara al ulama'u lahu hukman 'azima aw hikaman 'azima. Zakara al ulama'u lahu hikaman 'azimatan minha izhar sha'air al islam وإظهار كلمة التوحيد وإثبات الرسالة والإعلام بدخول وقت الصلاة ومنها الدعوة إلى الجماعة. Le cheikh il dit que les ulama ont mentionné qu'il y a de grandes sagesses dans l'appel à la prière. Parmi ces sagesses, il y a le fait d'exposer et de montrer les rites et les croyances et les pratiques de l'islam. Parce que la religion de l'islam, c'est pas une religion qui est cachée ou qui se cache, une religion qui est pas apparente. Non, l'islam c'est une religion apparente, c'est une religion qui se voit, c'est une religion qui se manifeste. C'est pas quelque chose qui est caché, hein, comme certains malheureusement qui essaient de cacher l'islam à notre époque, hein, et qui disent non, il faut pas montrer ton islam, ça c'est de l'ostentation. L'ostentation c'est dans le cœur. Hein? Mais la pratique de l'islam, elle est apparente. tu peux pratiquer des choses en apparence sans ostentation si tu es sincère dans ton cœur. Tu le fais pour Allah seul. Parce que là, ce n'est pas de l'ostentation. L'ostentation, c'est quand tu fais des choses et que dans ton cœur, tu le fais pour te faire voir des gens, te faire remarquer des gens, pour te faire glorifier par les gens en pratiquant des actes religieux. Ça, c'est de l'ostentation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ça, hein, que ça détruit les œuvres. Qu'est-ce qu'on appelle ar-riya, hein? Le fait de faire des œuvres de la religion pour se faire glorifier des gens ou pour se faire voir des gens. Et celui qui fait ça, bien entendu, il n'aura pas la valeur et la récompense pour les œuvres qu'il a accomplies. Donc la religion de l'islam, c'est une religion qui est visible, qui est apparente. Ce n'est pas une religion qui est cachée ou qu'on fait en secret seulement. Tu peux faire des actes en secret, mais les actes obligatoires, en général, elles se font en groupe, elles se font en jama'a. Donc il n'y a pas de problème de les faire et de les faire voir. C'est comme par exemple le musulman, quand il est musulman, ça se voit sur lui. Ou du moins, ça devrait se voir sur lui. Comme la femme musulmane. Ça se voit sur elle qu'elle est musulmane. Elle se voile, hein, elle porte son djilbab, elle se couvre. Hein. Quand elle marche dehors, tout le monde sait tout de suite que c'est une musulmane. Même si elle est blanche, européenne, les yeux bleus, les cheveux blonds. Hein, une fois qu'elle est convertie à l'islam, tu la vois marcher dehors, tu sais tout de suite qu'elle est musulmane. C'est pas nécessaire, c'est pas quelque chose qui est relié à l'ethnie ou le fait d'être d'une origine des pays musulmans, comme on dit. Non, quelqu'un peut être d'ailleurs et être un musulman, et lorsqu'il se convertit, du fait qu'il met en application et qu'il expose et exprime sa croyance et sa religion, on le reconnaît comme étant un musulman. La même chose pour l'homme musulman, lorsqu'il s'habille d'une manière qui fait en sorte qu'il se distingue des non-musulmans et qu'il met, par exemple, qu'il laisse pousser sa barbe et qu'il porte les aspects de la sunna, tout de suite on le reconnaît comme étant un musulman, peu importe son origine. Le cheikh, il dit aussi que c'est la façon d'exposer le tawhid et de montrer l'unicité d'Allah. Parce que quand tu fais l'appel à la prière, tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Et tu témoignes que Muhammad est le messager d'Allah. Hein? Et donc les gens entendaient ça. Les mushrikines, les juifs, les chrétiens, ils entendent l'appel à la prière. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça, c'est quelque chose qui leur fait comprendre en même temps les principes de l'islam. Qu'est-ce que c'est les fondements de la religion musulmane? Parce que les fondements de la religion musulmane sont résumés dans ces phrases-là, dans ce témoignage-là. Il dit aussi que c'est le fait d'affirmer le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est un vrai messager, un vrai prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait également connaître aux gens l'entrée du temps de la prière. Et c'est un appel à ce que les gens viennent, hein, une invitation à ce que les gens viennent prier en groupe. Hein. Et ça, dans les pays musulmans, on le sait, parce que quand c'est l'heure de la prière, on entend dehors l'appel à la prière. Et tout le monde est donc invité à venir prier en groupe à la mosquée, tandis que dans les pays non musulmans, étant donné que les musulmans ne font pas l'appel à la prière à l'extérieur, et donc les gens sont obligés de faire le adhan à l'intérieur de la mosquée. Alors que à la base, le adhan ne doit pas se faire à l'intérieur de la mosquée, mais il doit se faire à l'extérieur de la mosquée pour inviter les gens à la mosquée. Hein? Et c'est ce qui fait que justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs occasions, quand des gens sont venus lui demander, par exemple, de prier à la maison, il y a un homme qui était aveugle. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: « Oh messager d'Allah, est-ce que je peux prier à la maison? Parce que pour venir à la mosquée, hein, je suis aveugle et en plus, des fois il y a des bêtes, il y a des scorpions et des choses de ce genre. Donc, j'ai pas de guide pour m'amener à la mosquée. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: « Est-ce que tu entends le adhan? Est-ce que tu entends l'appel à la prière? » Il a dit: « Oui. » Il a dit: « Dans ce cas-là, tu dois répondre. Tu dois répondre à l'appel. » Mais dans les pays non musulmans où tu n'entends pas l'appel, est-ce que ça veut dire que tu peux dire, ah, mais dans ce cas-là, je ne suis pas obligé d'aller à la mosquée. Non, parce que si tu penses comme ça ou si tu dis ça, tu risques facilement de t'éloigner de la foi, de t'éloigner de la religion. Si tu dis, je ne vais pas à la mosquée, je ne vais pas prier en groupe, ta foi, elle va baisser et elle va fondre, comme la neige au soleil. Donc, il faut faire des efforts, malgré que tu n'entends pas l'adhan, pour essayer de fréquenter la mosquée le plus souvent possible, pour que ta foi reste le plus haut possible et que le fait d'être avec tes frères en islam, il te fasse le rappel quotidien et continuel que les uns avec les autres, vous vous rappeliez d'Allah et vous vous encouragiez les uns les autres dans la piété et dans la foi. C'est ça l'avantage de fréquenter la mosquée et de fréquenter tes frères en islam. Hein? Et il dit ensuite le cheikh, وفي القيام به فضل عظيم لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا وغيره من الأحاديث كثيرة. Le cheikh il dit que dans le fait d'établir l'appel à la prière, il y a un grand mérite. Il y a un grand mérite. Et ce mérite s'est rapporté dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si les gens savaient ce qu'il y a comme mérite dans l'appel à la prière et dans le premier rang, et que les gens n'auraient pas trouvé un autre moyen pour avoir une place dans les premiers rangs à la mosquée, qu'en tirant au sort ou en faisant un tirage au sort, eh bien les gens auraient fait des tirages au sort pour prendre une place dans les premiers rangs. C'est-à-dire pour montrer à quel point les premiers rangs dans la mosquée sont importants et qu'il y a un grand mérite, une grande récompense en assistant à la prière à la mosquée dans les premiers rangs. Le cheikh il dit « والأذان والإقامة كل واحد منهما فرض كفاية » على الرجال للصلوات الخمس وهما من شعائر الإسلام الظاهرة يقاتل أهل بلد تركوهما. Le cheikh il dit que l'appel à la prière, adhan, al-adhan et al-iqama. Al-iqama c'est l'appel qui est fait juste avant qu'on commence de prier. Le adhan c'est qu'est-ce qui est à l'entrée du temps. Il dit que chacun de ces appels est une obligation du moment qu'un nombre ou un nombre suffisant de musulmans le font et l'appliquent. Hein, pour les hommes, pour les cinq prières, dans ce cas-là, c'est quelque chose, comme on dit, qui est fard kifaya. Ça veut dire, s'il y a un nombre suffisant qui l'ont établi et qui l'ont mis en application, c'est plus obligatoire pour les autres. C'est ce que signifie fardu kifaya par opposition à ce qui est fardu ayn. Fardu ayn, c'est-à-dire c'est que quelque chose qui est obligatoire à chaque individu. Fardu kifaya, c'est qu'est-ce qui est obligatoire, yani du fait que si il doit y avoir un nombre minimum de personnes qui le font. Si ce nombre-là l'a accompli, ce n'est plus obligatoire pour les autres. C'est ça la différence entre fardu ayn et fardu kifaya. Fardu kifaya, c'est-à-dire le nombre qui suffit. Quand il y a le nombre qui suffit, hein, al-kifaya, ça veut dire qu'est-ce qui est suffisant. Donc, s'il y a un nombre qui est suffisant de personnes qui le font, dans ce cas-là, c'est plus obligatoire pour le reste. Dans le sens que si ici, il y a 5 personnes à la mosquée, c'est pas obligatoire à ces 5 personnes de faire le adhan en même temps. Du moment qu'il y a une personne qui le fait, c'est suffisant. Hein? Et en général, dans les pays musulmans, il y a un muadhin, quelqu'un qui fait l'adhan, qui est désigné pour cette tâche. Hein? Et si lui, il est absent, des fois, il y a quelqu'un qui est là pour faire l'adhan à sa place. Donc, il y a une personne désignée pour ça. Et en général, dans les pays musulmans, c'est Al-Wizara qui s'occupe de ça. C'est-à-dire Al-Wizara, le ministère des affaires des mosquées et des affaires religieuses. Il s'occupe de choisir ou de placer dans chaque mosquée un muadhin et un imam. Hein? Tandis que dans les pays non musulmans, parfois c'est yani à l'improviste, c'est-à-dire chaque personne, hein, si dans la mosquée par exemple, s'il n'y a pas d'organisation spécifique, ou si c'est une mosquée où il n'y a pas vraiment un grand nombre de personnes, donc il n'y a pas de quelqu'un qui est désigné pour faire le adhan, c'est une personne parmi les gens qui sont présents qui va faire le adhan. Et en général, il y a un imam fixe. S'il n'y a pas d'imam fixe, dans ce cas-là, c'est celui parmi les frères qui sont présents à la mosquée qui vont diriger la prière selon yani, leur niveau de connaissance ou leur niveau de pratique de la religion. C'est-à-dire la mémorisation, puis la compréhension, et ainsi de suite. Et ensuite, le cheikh, il dit que ce sont deux parmi les pratiques de l'islam qui sont apparentes. Et il dit que si un pays ou une ville cesse de faire le adhan, selon la religion, il y en a même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de combattre une ville ou de partir à la guerre contre une ville, il attendait pour voir s'il allait entendre le adhan. S'il entendait le adhan, il attaquait pas. S'il entendait l'adhan, s'il l'entendait pas, il partait au combat contre cette ville. Hein? Après les avoir appelés à l'islam. Donc le cheikh dit: wa kana sallallahu alayhi wa sallam idha ata qawman la ya'rifuhum yastadillu ala islamihim bil adhan. Donc le cheikh dit: si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrivait dans une ville et qu'il entendait le adhan, il se basait sur le adhan pour déterminer que c'était des musulmans. C'est-à-dire qu'il affirmait leur islam et il utilisait le adhan comme preuve de leur islam. Et donc ça, c'est un indice aussi qui nous aide à comprendre aussi une des différences entre le pays musulman et le pays non musulman. Le pays musulman, c'est le pays dans lequel tu entends l'appel à la prière dedans. Ça, c'est une des choses qui détermine que le pays est un pays musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appliquait ça. C'est-à-dire que il utilisait l'appel à la prière comme preuve de l'islam des habitants de cette ville. Même si parmi eux, il y avait peut-être quelques non-musulmans. Hein? Et il dit: wa ala kufrihim bitarkihi. Et il les considérait non-musulmans s'ils le délaissaient. C'est-à-dire s'ils ne faisaient pas l'adhan. Et il dit: فَكَانَ يَأْمُرْ مَنْ يَتَسَمَّعْ إِلَيْهِمْ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ. Donc il envoyait quelqu'un pour aller écouter, pour voir si on allait entendre l'appel à la prière, hein, au temps des prières. وَقَدْ شُرِعَ فِي الْمَدِينَةِ حِينَمَا اسْتَشَارَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي طَلَبِ طَرِيقٍ يَعْرِفُونَ بِهَا دُخُولَ الْوَقْتِ ليأتوا إلى الصلاة في المسجد فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام من أعلمه صفة الأذان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه فقال إنها رؤيا حق فألقه على بلال لأنه رفيع الصوت فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة. Le cheikh, il explique que le adhan, il a été légiféré quand? Il a été légiféré à Médine, Al-Madina. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a discuté, il a consulté certains des sahaba pour trouver une manière par laquelle on pouvait faire savoir aux gens que le temps de la prière était entré. Et pour que les gens puissent venir à la mosquée pour faire la salat. Alors, Abdullah ibn Zayd al-Ansari, il a vu un rêve. Et dans ce rêve, on lui a appris la description du adhan. Alors il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a informé de cette vision ou de ce rêve qu'il a eu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ça, c'est un songe ou un rêve qui est véridique. C'est un rêve qui est vrai. Alors va l'apprendre à Bilal. Il a dit: va l'enseigner le adhan à Bilal, parce qu'il a une voix forte, il a une voix élevée, forte, hein, pour qu'il puisse faire l'appel à la prière. Et ça, c'était le meilleur moyen pour connaître les heures de la prière. Hein, parce que certains avaient donné différentes suggestions. Certains avaient dit, on pourrait utiliser la cloche. Ils ont dit non, ça c'est la méthode des chrétiens. D'autres ont dit, on pourrait utiliser la corne. Ils ont dit non, ça c'est la méthode des juifs. Hein? Et là, quelqu'un a suggéré, hein, il a dit, j'ai vu dans le rêve telle chose, et c'est là. Puis plus tard, je crois que même Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, moi aussi j'avais vu ça dans un rêve, la même chose. Et ça a confirmé, hein, le rêve de Zayd, c'est yani Abdullah ibn Zayd al-Ansari, radiallahu anhu. On a lu le hadith à ce sujet-là dans le chapitre, les premiers chapitres au sujet de la salat, lorsqu'on a commencé les premiers hadiths à ce sujet-là. Ala kulli hal, donc on est rendu au hadith numéro 61. Hadith numéro 61, c'est le hadith qui rapportait, il dit an Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه رواه البخاري ومسلم. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Il dit que Bilal a été ordonné de faire le adhan pair et le iqama impair. De faire le adhan pair et l'iqama impair. Et on va voir qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on va lire l'explication. Maintenant, le cheikh, il mentionne les termes qui sont à clarifier. Gharib al-Hadith. Donc, il dit, il y a trois points qui sont mentionnés ici. Umira Bilal. Umira Bilalun, yani mabniun lil majhul. Umira Bilal, c'est à la forme passive. Passive, c'est-à-dire, on ne sait pas qui fait l'action. Hein? C'est-à-dire, Bilal a été ordonné. On ne sait pas qui a ordonné. Hein? Mais c'est probable que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que quelqu'un a ordonné à quelqu'un de... le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à quelqu'un de dire à Bilal de le faire. Comme dans le hadith, comme dans l'explication de ce qu'on a lu tout à l'heure. Umira. C'est la forme passive par opposition à la forme active, hein, quand on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal. Là on sait qui a ordonné, mais ici umira, c'est la forme passive. On dit en arabe mabniyun lil majhul, on ne sait pas qui est le fa'il. Ok, wal amiru huwa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici on sait, le cheikh il dit, mais celui qui a ordonné, le fa'il ici c'est النبي صلى الله عليه وسلم. Donc c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui a ordonné. فله حكم المرفوع. Donc ce hadith là, même si dedans on n'a pas dit que c'est le messager qui a ordonné, mais c'est sous-entendu. Donc on le sait. Et c'est pour ça que ça a le sens d'être élevé jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم. Donc on dit que c'est un le hukm, et que le hadith il est marfou, c'est-à-dire que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une parole authentique car elle est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Il dit le cheikh, wa'khtalafa ahlul usul hal taqtadi hadhihi as-sigha wa amthaluha ar-raf'u aw la, wa as-sahihu annaha taqtadihi لأن الظاهر أن الآمر من له الأمر الشرعي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. Les savants de Usul al-Fiqh, ils ont divergé par rapport à cette forme passive. Est-ce qu'elle implique que c'est une parole du prophète صلى الله عليه وسلم ou non? Et la position correcte par rapport à cette question, c'est que oui, ça implique que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce qui est apparent ici, c'est que celui qui donne l'ordre, on parle ici de l'ordre législatif, l'ordre divin, l'ordre révélé. Et ça, c'est clair dans ce cas-là que ça vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Can you call Muslim? Tell him if he's, ask him if he's coming or not. No, it's okay. Barakallahu fik. So that's for the first, ça c'est pour le premier point. Le deuxième point, an yashfa' al-adhan. An yashfa' al-adhan. Ya'ti bi alfadhihi shaf'an, ay mathna mathna. C'est-à-dire qu'il doit faire le adhan de façon impaire, c'est-à-dire les formules qu'il va prononcer, il va les dire deux fois chaque. Deux fois, deux fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salat. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. C'est juste la dernière phrase qu'on dit une fois. يوتر الإقامة يعني أن يأتي بألفاظها وترا وهو نقيض الشفع. L'iqama il l'a fait une fois chaque. Hein, quand tu fais l'iqama, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salat, hayya ala al-falah, qad qamat al-salat, qad qamat al-salat. Tu le dis deux fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il y a différentes formules ou différentes façons dont on a rapporté le adhan. C'est pour cette raison que tu trouves différentes façons, différentes versions. Oui, c'est ça. On va parler de ça. Toutes les divergences, inshallah. Le cheikh, il dit al-ma'na al-ijmali. Le sens général de ce hadith, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh, il dit أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه بلالا أن يشفع الأذان لأنه الإعلام الغائبين فيأتي بألفاظه مثنى مثنى وهذا عدا التكبير في أوله هذا عدا التكبير في أوله وقد ثبت تربيعه وكلمة التوحيد في آخره وقد ثبت إفرادها. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à son muadhin Bilal radiyallahu anhu de faire le adhan par deux, c'est-à-dire de façon impair, deux, deux, deux, deux, hein. Et donc il dit ça, c'est la raison pourquoi c'est pour faire l'annonce à des gens qui ne sont pas présents, pour leur faire savoir que le temps de la prière est entré. Donc tu vas dire la formule ou les formules qui sont mentionnées dans le adhan deux par deux. Et ça c'est à l'exception du takbir au début qu'on mentionne quatre fois. Et ça c'est mentionné authentiquement dans la sunna de le dire quatre fois. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ça c'est confirmé, c'est authentique dans la sunna. Et également la dernière parole à la fin du adhan, la ilaha illallah. Ça aussi, c'est une seule fois. Ça, c'est par opposition au reste. Il dit كما أمر بلال أيضا أن يوتر الإقامة لأنها لتنبيه الحاضرين وذلك بأن يأتي بجملها مرة مرة وهذا عدا التكبير وقد قامت الصلاة فقد ثبت تثنيتهما فيها. Il dit le cheikh, il a ordonné à Bilal de faire l'iqama de façon impaire, Pourquoi? Parce que c'est pour l'appel de ceux qui sont déjà présents dans la mosquée. Donc, ce n'est pas nécessaire de le répéter plusieurs fois. Et tu vas donc dire les phrases du adhan une fois. Excepté le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hein, que tu dis deux fois. Et qad qamatis salat, que tu dis deux fois. Et le reste, tu dis une seule fois. Donc, tu vas dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Donc le takbir tu dis deux fois et قد قامت الصلاة tu dis deux fois, le reste tu dis une fois. اختلاف العلماء. Là on va parler des divergences des ulama au sujet de cette question. Et c'est une explication assez longue. Donc on va essayer de faire ça assez clair, le plus clair possible. Pour comprendre les divergences des ulama sur ce sujet et pour comprendre les raisons de ces divergences-là, c'est-à-dire pourquoi ils ont divergé et c'est quoi la position correcte dans ces divergences-là. Parce que la divergence, ce n'est pas une preuve. Quand on dit, hein, certains musulmans, Allah al-Musta'an, quand tu leur demandes hein, comment faire quelque chose ou c'est quoi la position par rapport à quelque chose, ils disent « Ah, mais il y a une divergence entre les ulama. » C'est comme si pour eux, ça voulait dire « Ah, étant donné qu'il y a une divergence entre les ulama, donc t'es pas obligé de prendre une position. Tu peux choisir n'importe laquelle, celle qui fait ton affaire, et puis c'est correct. » Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas la façon dont on doit prendre la religion, et c'est pas ça ce que signifie la divergence. Parce que la divergence, ce n'est pas une preuve. La preuve, c'est dans le Coran et dans la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ya ayyuha allazina amanu, ati'u Allah, wa ati'u Rasul, wa uli l'amri minkum. Fa in tanaza'atum fi shay'in, farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Thalika khayrun wa ahsanu ta'wila. » Ça veut dire, « Oh vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. » Ça veut dire que s'il y a divergence, tu dois retourner au Coran et à la Sunna authentique pour comprendre cette divergence et pour trancher. Pour savoir la vérité sur cette question. Et donc le cheikh il dit ikhtilaf al ulama, la divergence entre les ulama. Ikhtalaf al ulama fi hukm al adhan wal iqama. Fa dhahaba al imam Ahmad wa ba'd al malikiyya wa ba'd al shafi'iyya wa ata ila annaha ila annahuma wajiban ala al kifayati lil rijal al balighin mustadillin ala dhalika bi adillatin kathiratin minha حديث الباب لأن الأمر يقتضي الوجوب. Donc premièrement c'est à propos du adhan. Est-ce que c'est obligatoire ou non? Le adhan, est-ce que c'est obligatoire ou non? Et le cheikh il dit les ulama ont divergé au sujet du verdict du adhan et de l'iqama. Et il dit que l'imam Ahmad et certains parmi les malikiyya, les savants du madhhab al-maliki, et certains parmi les savants du madhhab al-Shafi'i, ainsi que Atta, un des tabi'in, ils ont eu la position que l'adhan et l'iqama sont obligatoires pour le nombre suffisant. Pour le nombre suffisant parmi les hommes qui ont atteint l'âge de puberté. Et ils ont utilisé, pour prouver cette position-là, plusieurs preuves, dont le hadith qui est mentionné dans le chapitre, hadith qu'on a lu, puisque on dit Umira Bilal, et Umira ça veut dire être ordonné ou commandé, et l'ordre implique l'obligation, hein? L'ordre implique l'obligation, c'est-à-dire le verbe impératif, hein, de faire quelque chose, c'est un commandement, et ça implique que c'est obligatoire. Il dit وَمِنْهَا مَا فِي الصَّحِحَيْنِ عَنْ مَالِكِ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي يقاتل على يقاتل من تركها. Il dit également ce qui a été mentionné comme preuve pour dire que c'est obligatoire, l'adhan et l'iqama. Il y a qu'est-ce qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Malik ibn al-Huwayrith, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'un d'entre vous fasse le adhan, que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière. Ça veut dire que c'est un ordre, et l'ordre implique l'obligation. Et il y a beaucoup d'autres hadiths aussi dans ce sens-là, et également parce que c'est une des pratiques de l'islam qui est apparente et qu'on doit combattre celui qui le délaisse, dans l'islam. Il dit ensuite وَقَدْ خَصَّ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الْوُجُوبِ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِي عَنْ إِبْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادِ ابن رضي الله عنهما بإسناد صحيح ليس على النساء آذان ولا إقامة ولأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر ولسنا من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع. Il dit que certains d'entre les ulama, parmi ceux qu'on a mentionnés, ont spécifié que l'obligation est particulière pour les hommes et non pour les femmes. C'est-à-dire que les hommes font le adhan et l'iqama et les femmes, elles ne sont pas obligées de le faire. Et ça, c'est également prouvé par un hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi selon Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, avec une chaîne de transmission qui est authentique, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de adhan ni d'iqama pour les femmes. Il n'y a pas de adhan ni d'iqama pour les femmes. Il dit également que parce qu'il est ordonné pour elles de baisser la voix et de se couvrir, et donc elle ne doit pas faire le adhan à voix haute et crier, ou appeler fort, sinon on va les entendre. Et aussi que l'obligation de la prière en jama'a, c'est spécifique aux hommes et non aux femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles ont le droit de venir prier à la mosquée et de faire la jama'a, de prier la jama'a, c'est-à-dire de prier en groupe avec les hommes, mais ce n'est pas une obligation pour les femmes, contrairement aux hommes. Après, le cheikh il dit وذهبت الحنفية والشافعية والشافعية وذهبت الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان ليس بواجبين مستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة لم يؤذن وإنما أقام فقط. Donc il dit qu'il y a certains savants parmi les Hanafiyyah, ou bien plutôt il dit que les Hanafiyyah et les Shafi'iyyah ont eu la position, ou ont pris la position que c'était sunnah, c'est-à-dire recommandé, et que c'est pas que le adhan et l'iqama ne sont pas obligatoires. Et ils ont utilisé comme preuve à ce sujet-là ce que certains d'entre les, ou ce que beaucoup d'entre les imams ont authentifié du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit de Muzdalifa, pendant le hajj, il n'a pas fait l'adhan, il a seulement fait l'iqama. Et le cheikh il mentionne ensuite, il dit وَيُعَارِضُ مَا نُقِلَ عَنْ تَرْكِهِ الْأَذَانِ بِمَا رَوَى الْبُخَارِي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَاهَا فِي الْجُمْعِ بِآذَانِ صَلَاهَا فِي جَمْعٍ بِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَةً. Le cheikh il dit, et ça on peut s'objecter à ce qu'ils ont dit à ce sujet-là, c'est-à-dire au fait qu'ils disent ou ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Muzdalifa, dans la nuit de Muzdalifa, il n'avait pas fait l'adhan et qu'il avait seulement fait l'iqama. On peut opposer ça en disant que, ou s'objecter à ça en disant que, on a transmis à ce sujet-là qu'il a délaissé le adhan. Hein? On peut s'opposer au fait qu'il ait délaissé le adhan parce qu'il a été rapporté par l'imam al-Bukhari selon Ibn Mas'ud radiallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié. Il avait fait le jama avec un adhan, avec deux adhan et deux iqama, c'est ce qu'ils disent. Donc il avait fait le jama avec deux adhan et deux iqama. Qu'est-ce que ça veut dire le jama? C'est-à-dire que lorsque tu es en voyage, hein, ou bien même des fois dans certaines circonstances où il y a des difficultés, comme par exemple les jours de pluie ou les jours de tempête, les gens ont le droit de réunir deux prières ensemble, c'est-à-dire al-dhuhr ou al-asr ou al-maghrib ou al-isha. C'est permis. Non pas seulement à la mosquée. À la mosquée ou en dehors de la mosquée. Comme par exemple à Muzdalifa, c'est ça la sunnah. Quand tu quittes Arafah, hein, tu ne fais pas le maghrib à Arafah. Tu t'en vas directement à Muzdalifa et tu pries jam' ta'khir. Tu vas faire le maghrib et l'isha. Hein, dans le temps de la prière de Aïcha. Naam. Tu ne pries pas le maghrib à Arafah, tu pries le maghrib à Muzdalifa, jam' ta'khir. Donc c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Il a retardé et puis il a fait les prières ensemble, le maghrib ou l'Aïcha, avec deux adhan et deux iqama. Il dit على أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في الاختيارات أن طوائف من القائلين بسنية الأذان يقولون إذا اتفق أهل بلد على تركه قتلوا. فالنزاع مع هؤلاء قريب من اللفظ، لأن كثيرا من العلماء يطلقون القول بالسنة على ما يذم ويعاقب تاركه شرعا، أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ، انتهى كلامه. Et il dit que Cheikh l'Islam, il a dit dans son livre Al-Ikhtiyarat, ses choix par rapport aux questions de fiqh, que des groupes parmi les gens qui disent que le adhan est sunnah seulement, ils disent que malgré qu'ils disent que c'est recommandé ou que c'est pas obligatoire, mais ils disent que lorsque les gens d'un pays sont d'accord pour ne pas le faire, ils doivent être combattus. Donc malgré qu'ils disent que c'est pas obligatoire, mais ils disent quand même que si tout le monde se met d'accord pour pas le faire, dans ce cas-là ils peuvent être combattus. Et il dit Fannizar, donc cette divergence en réalité avec ceux-là, c'est une divergence qui est proche d'une divergence sur les mots. Comme s'ils divergent plus sur les mots, mais ils sont d'accord dans le sens. Au fond, ils sont d'accord en réalité, mais c'est juste, hein, ils le disent différemment. Et il dit que, parce que beaucoup d'ulama, quand ils disent le terme sunnah, ils ne le disent pas dans le sens de qu'est-ce qui est recommandé, que si tu ne le fais pas, tu ne seras pas puni. Puis si tu le fais, tu vas être récompensé. Eux, ils le disent dans le sens que si tu le fais pas, hein, il dit يطلقون القول بالسنة على ما يذم ويعاقب تاركه شرعا. Ils l'utilisent dans le sens de que celui qui le fait pas, il va être blâmé et puni pour l'avoir délaissé selon la religion. Donc c'est pas le terme sunna tel que les gens le comprennent. C'est-à-dire ils l'utilisent pas dans son sens actuel. Il l'utilise dans le sens que yani, c'est quelque chose qu'il faut le faire. Et il dit, celui qui pense que c'est sunna, dans le sens que ce n'est pas un péché de le délaisser, dans ce cas-là, il a commis une erreur. Et ça, c'est la fin de la citation de Ibn Taymiyyah. Il dit, وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي صِفَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. Il dit, les ulama, ils ont également divergé en ce qui concerne la description du adhan et la description de l'iqama, comment ils doivent être faits. Et il faut, avant de mentionner ça, il y a juste un point aussi que j'aimerais mentionner, c'est à propos de certains pays. Je suis allé dans certains pays musulmans, et ça c'est une chose qui m'avait frappé, c'est que dans certaines villes, tous les adhans, dans toutes les mosquées, c'est le même adhan. Ils mettent une cassette, et que c'est transmis par la radio, et que donc on entend dans toutes les mosquées le même adhan en même temps. Et ça, les ulama ont dit que ça c'est pas correct, que le adhan, il faut qu'il soit fait avec la vraie voix de quelqu'un, une vraie personne. Et ça, ça indique également aussi que tu dois pas te baser sur le adhan qui est dans ton téléphone. Il y en a qui mettent le temps de la prière dans leur téléphone avec le adhan, et donc ils se basent sur le adhan du téléphone pour dire que ça y est, le temps est entré, on a fait le adhan, c'est-à-dire on l'a entendu dans le téléphone, ça suffit. Non, le adhan c'est une ibada, et de faire le adhan c'est une ibada. T'as des hasanats pour ça, t'es récompensé pour ça, et c'est une ibada que tu dois faire par toi-même. Hein? La même chose que, comme par exemple certaines personnes, ils voulaient prier avec, par exemple, suivre l'imam à la télévision. Tu vois, comme par exemple à la Mecque. L'imam, il prie à la Mecque, et toi, tu regardes l'imam dans la télévision, tu veux prier chez toi comme ça, c'est pas correct. Hein? C'est la même chose pour le adhan, il faut que tu le fasses avec ta vraie voix, et que ce soit toi qui le fasses, ou bien quelqu'un d'autre qui le fasse, mais pour de vrai, pas une cassette qui joue. Hein? Ça, c'est très important. C'est juste quelque chose que je mentionnais en passant. Et le cheikh, il dit ensuite que les savants, ils ont divergé au sujet de l'iqama, de l'adhan et l'iqama, par rapport à sa description. Comment le faire? Et on a mentionné ça tantôt. Il dit, فَذَهَبَ الْإِمَامَ أَحْمَدُ إِلَى جَوَازِ كُلِّ مَا وَرَدَ فِي صِفَاتِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَلَكِنْ اِخْتَارَ أَذَانَ بِلَالٍ وَإِقَامَتَهُ. Il dit que l'imam Ahmad, lui, il a pris la position que tout ce qui a été rapporté comme description du adhan, c'est permis de le faire. Tout ce qui a été rapporté dans la sunna authentique comme description du adhan et de l'iqama, c'est permis de le faire. Sauf que il a choisi lui-même, en particulier, le adhan de Bilal et son iqama. C'est ça qu'il a choisi. Il dit, وَأَذَانُ بِلَالَ الْمُشَارِ إِلَيْهِ 15 جُمْلَةً 4 تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ 4 تَشَهُدَاتٍ ثُمَّ 4 حَيْعَلَاتٍ ثُمَّ تَكْبِيرَتَانٍ وَثُمَّ يَخْتِمُهُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Hein? Ils disent, le adhan de Bilal, il est composé de 15 phrases. 15 phrases. Il y a 4 takbir. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Donc ça fait 4. Après, il dit 4 tashahudat. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. 4, hayya ala salat. Ça veut dire, hayya ala salat, hayya ala salat, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Ça fait 4. Donc, ça fait 12. Plus 2 takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Ça fait 14. La ilaha illallah, ça fait 15. Donc ça c'est le adhan de Bilal. 15 phrases. Il dit, وإلى هذه الصفة ذهبت الحنفية والشافعية وجمهور العلماء واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها ولم ينكره أحد. Il dit que cette description, ça a été la position qui a été adoptée par les Hanafiyas les Shafi'iyya et la majorité des ulama. Et ils ont utilisé comme preuve le hadith de Abdullah ibn Zayd dans la description du adhan et de l'iqama. C'est-à-dire pour dire que ça, cette description-là, c'était également la pratique des gens de la Mecque. Hein? Et ils le faisaient lorsque tous les musulmans étaient réunis dans les différentes occasions. Hein? Et personne n'a jamais critiqué ou condamné ce adhan. Il dit « وَذَهَبَ مَالِكْ وَأَبُوْ يُوسُفْ وَبَعْدُ الْعُلَمَا إِلَى تَفْنِيَةِ تَكْبِيرَ الْأَذَانِ مُحْتَجِّينَ بِبَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بِأَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةِ وَبِحَدِيثِ أَنَسْ أُمِرَ بِلَالْ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانِ. Donc il dit que certains parmi les Maliki, hein, l'imam Malik et l'imam Abu Yusuf, et certains ulama ont été de la position, ou ont pris la position que on devait dire le takbir deux fois, au lieu de quatre, et ils se basent sur certaines narrations du hadith d'Abdullah ibn Zayd, et le adhan de Abi Mahzoura, et le hadith de Anas Umira Bilal, un yashfa al-adhan. C'est-à-dire que dans le hadith, il dit que Bilal a été ordonné de faire le adhan de façon impaire, c'est-à-dire deux par deux. De façon paire, pardon. Deux par deux. Et il dit وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا مُنَافَا فَالصِّفَاتُ كُلُّهَا جَائِزَ. Il dit la vérité, c'est que il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de négation, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Et toutes ces descriptions-là sont permises. Toutes ces descriptions différentes sont permises. Il dit وَالْأَوْلَا الْأَخْذُ بِالزَّائِدِ لِأَنَّ الزِّيَادَ الَّتِي لَا تُنَافِ إِذَا كَانَتْ مِنْ ثِقَةٍ فَهِيَ مَقْبُولَةٍ. Donc il dit que qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui est préférable, c'est de prendre qu'est-ce qui a un surplus dedans. Parce que le surplus, il ne vient pas en contradiction avec lorsque c'est rapporté par quelqu'un qui est fiable et qui est authentique dans le hadith. Hein? Donc dans ce cas-là, c'est acceptable dans ce cas-là. Lorsque celui qui rapporte une version dans laquelle il y a quelque chose de supplémentaire, hein? Dans ce cas-là, si c'est rapporté par quelqu'un de fiable, dans ce cas-là, c'est acceptable. Il dit, وقال ابن حزم إنما اخترنا أذان أهل مكة لأن فيه زيادة ذكر الله. Ibn Hazm, lui, il a dit, nous avons uniquement choisi le adhan des gens de la Mecque parce qu'il y a un surplus de rappel d'Allah dedans. C'est-à-dire, parce qu'on rappelle d'Allah, on se rappelle d'Allah plus parce qu'il y a des phrases en surplus. Hein? Il dit, اختلفوا في ترجيع الأذان ومعنى الترجيع أن يقول المؤذن التشهد خافضا به صوته ثم يعيده رافعا صوته فذهبت المالكية والشافعية إلى استحبابه وهو عمل أهل الحجاز أخذا بحديث أبي محذورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه في مكة وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب احتجاجا بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد. Donc le cheikh il dit les savants ont également divergé à propos d'une autre question reliée au adhan, et c'est la question de qu'est-ce qu'on appelle at-tarji', tarji' al-adhan. Et qu'est-ce que ça signifie at-tarji'? Ça veut dire que le muadhin, quand il fait l'adhan, il le répète lui-même, le tashahud, à voix basse. Hein? Il baisse sa voix, il le répète. Hein? Et il le dit ensuite à voix haute. Donc il dit, les malikiyas, les savants du madhab de l'imam Malik et le madhab Shafi'i, ils ont pris la position que c'est recommandé. Hein? Et c'est la façon dont pratiquent les gens du Hijaz. Hijaz, c'est la Mecque et Médine. Et il se base sur... Le Hijaz, c'est la partie qui est au nord de la, au bord de la mer Rouge, yani de la péninsule arabe. Et il dit que il se base sur la version du hadith de Abu Mahdoura. Et cette version, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a appris à Mecca. Il dit les Hanafis, ceux du madhhab d'Abu Hanifa, eux, ils ont considéré que ce n'est pas recommandé de faire le tarji', hein, de répéter, de le dire à voix basse avant et de le dire à voix haute après. Ils se basent sur le sens apparent du hadith de Abdullah ibn Zayd. Naam. Et le cheikh, il dit والإمام أحمد يجيز الأمرين لكنه يختار أذان بلال. L'imam Ahmad, il dit que les deux sont corrects. Tu peux faire le tarji' ou tu peux ne pas le faire, mais il préfère, lui, le adhan de Bilal, c'est-à-dire de ne pas faire le tarji'. Et il dit, وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرُ ذَهَبَ أَحْمَدٍ. Ça, c'est, si je comprends bien, c'est ça. Il dit, وَذَهَبَ أَحْمَدٍ. وقال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح يعني فإن ربع أو رجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز. ابن عبد البر أبو يوسف, un des imams parmi les imams des salafs de la région de l'Andalousie, un grand savant parmi les savants du madhhab de l'imam Malik, certains disent qu'il était Shafi'i aussi, donc il y en a qui disent qu'il est Maliki, d'autres qu'il est Shafi'i, Allahu a'lam, mais c'était un imam parmi les imams qui était sur la sunna, un imam salafi, et il a écrit plusieurs livres. Parmi ces livres, il y a le livre qui s'intitule At-Tamhid, qui est une explication de Al-Muwatta de l'imam Malik, ainsi que Al-Istidhkar, hein, qui contient de nombreux volumes. Et aussi le livre, on a une copie ici, c'est Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, un très très bon livre sur l'importance de la science et les bases de la religion. Et de, yani c'est un livre. Un livre vraiment précieux. Également, donc, qu'est-ce qu'il dit, l'imam Ibn Abdelbar, Al-Andal aussi. Il dit que l'imam Ahmad, ainsi que Ishaq, ainsi que Daoud, et ainsi que Ibn Jarir, ça c'est des grands imams, ils ont pris la position que les divergences à ce sujet-là, au sujet du adhan et de l'iqama, sont permises. C'est une forme d'irtilaf qu'on appelle irtilaf al-tanawwur. Irtilaf al-tanawwur, c'est-à-dire des divergences de variation. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. Parce que tout ça a été rapporté dans des hadiths authentiques. Donc, il dit que tu le dises quatre fois, ou que tu le dises à voix basse avant, puis à haute voix après, ou que tu le dises deux fois seulement au lieu de quatre, hein, avec le adhan, hein, deux fois avec le adhan, et de le dire une fois avec l'iqama, ou deux fois avec l'iqama, hein, il dit, tout ça c'est permis, tout ça c'est jaiz. Et il dit, ويؤخذ من الحديث أولا وجوب الأذان والإقامة أخذا من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث وقال ابن حجر هو قول محقق الطائفتين من المحدثين والأصوليين. Il dit que premièrement, parmi les points qu'on peut prendre de ce hadith là, c'est que l'adhan et l'iqama, c'est des obligations. Et il se base sur la formule qui est mentionnée dans le hadith, qui est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette forme, elle implique que c'est une parole, un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui fait l'explication de Fath al-Bari, l'explication de Al-Bukhari, il dit que les vérificateurs parmi les deux groupes, c'est-à-dire les savants de hadith et les savants de usul al-fiqh, ils sont tous les deux d'accord sur ce point-là, que cette forme, même si elle est à la forme passive, elle implique que c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة لأن الوجوب يعني معارض بصفات للأذان والإقامة ثابتة ويؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد. Il dit que qu'est-ce qui est recommandé, c'est de dire le adhan deux fois et le witr et le iqama une fois. Et il dit que cette obligation, elle est opposée par les différentes descriptions qui ont été faites du adhan et de l'iqama, qui sont toutes authentiques. Alors si on les prend, donc dans ce cas-là, il faut prendre toutes les différentes versions et dire qu'elles sont toutes permises, hein, selon tout ce qui a été, selon ce qui a été rapporté dans la sunna à ce sujet-là. Donc c'est recommandé de faire le adhan 2-2 et l'iqama 1-1. Mais si tu le fais d'une autre façon, selon ce qui a été décrit dans la sunna authentique, c'est valable également. Il dit وَشِدَّةُ الْإِهْتِمَامِ بِالْأَذَانِ عَلَى الْإِقَامَةِ لِكَوْنِهِ نِدَاءً لِلْبَعِيدِ. Il dit qu'il faut donner plus d'importance au adhan que l'iqama. Pourquoi? Parce que c'est l'appel pour ceux qui sont loin. C'est l'appel pour ceux qui sont loin. Et c'est dommage que, hein, on puisse pas ou qu'on ne fasse pas le adhan dehors, hein, mais qu'on soit obligé de le faire à l'intérieur. Sinon, c'est une ibadah très importante et très bénéfique de pouvoir faire le adhan et que les gens dehors puissent entendre. Il dit le point numéro 4. المراد بشفع الأذان ما عدا التكبيرات الأربع في أوله وكلمة التوحيد في آخره فإنها مخصصة بأدلة أخرى. الشيخ dit qu'est-ce qu'on veut dire ici par le fait de dire le adhan 2-2, hein, 2 par 2, ou bien de façon impair, comme c'est mentionné dans le hadith, bishaf al-adhan, excepté le takbir. Parce que le takbir, on a dit qu'on le disait 4 fois au début, et la ilaha illallah à la fin, on le dit une seule fois. Donc c'est spécifique selon les preuves. C'est-à-dire, c'est spécifique selon les preuves qui sont mentionnées dans d'autres hadiths. Et il dit المراد بوتر الإقامة ما عدا التكبيرتين في أولها وقد قامت الصلاة فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخرى. Et quand on dit que l'iqama doit être fait d'un nombre impair, hein, un par un, il dit que ça c'est accepté les deux takbirs au début, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et Qad qamatis salat, on dit 2 fois, parce que ça on le dit 2 fois chacun, et ça c'est spécifique à d'autres preuves. C'est spécifique du fait que c'est rapporté dans d'autres preuves spécifiques à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui ici, hein, après avoir expliqué et terminé l'explication de ce hadith. Et demain, bi'idhnillah, on continuera l'explication du livre avec le hadith suivant, qui est également yani un hadith qui est relié au sujet. Naam. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.